بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال الثاني والستين 62e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث. Donc il a dit, il est interrogé pourquoi se nommer par Abd al-Harith, cela est du shirk, alors que Allah c'est le Harith. Harith, c'est le sens de cultivateur, par exemple. À la base, un Harith, chez les êtres humains, c'est une personne qui travaille dans les champs. فأجاب رحمه الله تعالى أتسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله عز وجل فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم حارث وكلكم عمام. Donc il a dit le fait de se nommer par Abdul Harith, il y a un rapport de servitude à autre que Allah. Quand on avait dit les prénoms qui commencent par Abd ne doivent être affiliés qu'à un des noms d'Allah. Donc là, Al-Harith, il dit l'auteur que c'est l'être humain. Al-Harith, c'est l'être humain. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kulukum Harithun, vous êtes tous des cultivateurs. Du fait que on cultive nos œuvres et on cultive notre descendance, du fait qu'on fait les causes pour avoir une descendance dont on s'occupe et qui elle-même se multiplie par la suite. À la manière d'un champ. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a comparé nos femmes à des champs que l'on cultive. Nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum ma shi'tum. Vos femmes sont comme un champ de culture, alors allez dans vos champs comme vous le voulez, c'est-à-dire pour planter vos graines et afin de pouvoir faire pousser vos plantes, c'est-à-dire votre progéniture. قال فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك. لأنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. Donc tout prénom de servitude qui est attribué autre que Allah, cela est du shirk, une forme de shirk, bien que cela ne devienne pas du shirk akbar de base, mais cela peut le devenir si la personne vraiment s'assujettit à la chose à laquelle son nom est attribué. Par exemple, des gens vont s'appeler Abdou Issa, serviteur de Issa, et il y croit. Je crois que c'est Issa son seigneur. Il tombe dans le shirk akbar. Quelqu'un qui s'appelle Abd Bouddha, par exemple, ou autre. Donc ça peut être du shirk akbar en fonction de la croyance de la personne. Mais la nomination en elle-même, par exemple, quelqu'un nomme son enfant Abd Issa, comme ça, juste pour le prénom, sans avoir de croyance derrière, cela n'est pas du shirk akbar. قال ولهذا لو سمي أو لو نعم سمي رجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى الله أو إلى اسم الله سبحانه وتعالى ويسمى باسم آخر غير مضاف. Donc si une personne était nommée de la sorte, c'est-à-dire Abdul Harith, il lui sera obligatoire de changer de prénom et qu'il affilie son prénom de servitude à un des noms d'Allah Azza wa Jal, ou alors qu'il se nomme par un autre prénom parmi les prénoms permis. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Et que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que les plus beaux prénoms auprès d'Allah, les plus aimés, sont عبد الله et عبد الرحمن. وما اشتهر عند العامة من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد نسبته نعم. Je crois qu'il y a une erreur dans le livre là. نسبتهم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بالصحيح أي ليس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإنما ورد أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Donc il a dit ce que certains gens de la masse disent, qui disent que les meilleurs prénoms sont les noms qui ont été très loués comme Mohammed ou qui sont les noms de servitude. Cela n'est pas une parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là n'est pas affilié au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas dit cela. Ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est les prénoms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah Abdul Rahman. Donc ce n'est pas tout ce que les Awam disent qui est vrai, ou tout ce qui est répandu au milieu des gens qui est vrai. وما قول السائل في سؤاله مع أن الله حارث هو الحارث فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ وإنما يوصف عز وجل بأنه الزارع ولا يسمى به كما في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Et quand est-ce que le questionneur a dit dans la question ce qu'il a dit alors que Allah c'est lui le Harith, dans la question on avait dit ça, pourquoi on peut pas appeler quelqu'un Abdul Harith alors que Allah c'est le Harith, il a dit je ne connais pas que le Harith soit parmi les d'Allah par ce terme, mais cependant on peut décrire Allah comme étant un Zaria. Zaria c'est à peu près le même sens que le Harith. Zaria c'est celui qui plante les graines, d'accord, qui plante les graines dans le sol, qui les cultive en fait. Zaria, ça veut dire ça. Donc Allah peut être décrit de la sorte, mais il dit, mais ce n'est pas un de ses noms, Zaria. On n'appelle pas Abdul Zaria. Le Zaria, ce n'est pas un de ses noms. Mais Zira'a, c'est parmi ses attributs. Comme dans le verset, dans le sens où Allah dit, et voyez-vous donc ce que vous avez cultivé, est-ce vous qui l'avez planté ou bien c'est nous qui l'avons planté? Dans le sens où c'est Allah qui a fait les choses, qu'il a créées de base, et que l'action qui en découle, par exemple, quelqu'un plante une graine dans le sol, il l'arrose. Mais ce qui en sort, c'est la création de qui? C'est celle d'Allah, Azzawajal. L'être humain n'a fait que les causes. Donc en réalité, c'est Allah qui a fait la chose. D'accord? Tout cela, c'est parmi les choses qui sont dans Ar-Rububiyya, dans les actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui, en réalité, qui a fait la chose. Comme Kafikullah, Azzawajal, فَلَمْ تَكْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Tu ne les as pas tués, mais seulement c'est Allah qui les a tués. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la cause, mais en réalité, la chose, c'est Allah qui l'a concrétisée, qui l'a réalisée. Donc, c'est ça qu'il veut dire par là. Que Allah est décrit comme étant Zari'a, c'est-à-dire c'est lui qui fait que tout se produit, tout se réalise. Mais ce n'est pas un de ses noms. Allah, surat al-Waqi'a, versets 64 et 63. Azza la ziyakhavna al-yum, minada s-su'al, wa alhamdulillahi rabbil alamin.